Une fois n'est pas coutume. Ce soir, vous entendrez le cri de la momie. Momie, tout en voix, tout en verbe, parvenue du fond des âges, à l'occasion de l'étrange Noël de France Culture. Après tout, Gérard de Nerval n'évoquait-il pas les momies comme de véritables chrysalides humaines, dont le papillon n'est pas encore sorti ? Qui nous dit qu'il n'éclose un jour, s'interrogeait-il. C'est fait ! Et la momie cria d'une voix issue de l'au-delà et vieille de quelques 3 millénaires, celle d'un grand prêtre égyptien de surcroît, officiant au cœur d'un temple de Karnak. Nous la retrouverons en fin d'émission. Que sont les momies si ce n'est la recherche de l'immortalité spirituelle ou matérielle ? Pour mieux comprendre les imaginaires des sociétés passées, leurs croyances, leurs rituels, et par là même découvrir leurs étonnantes techniques, nous nous sommes rendus au Muséum de Toulouse, où se tient actuellement une belle exposition « Momies, corps préservé, corps éternel », l'occasion de rencontrer Patrice Georges, archéo-anthropologue à l'INRAP, commissaire de l'exposition et spécialiste des momies de par le monde, à qui j'ai demandé s'il connaissait la momie d'Alan Bellis, chauffeur de taxi anglais et récemment momifié selon les techniques égyptiennes. Alors évidemment, j'en ai entendu parler, puisque c'est une histoire incroyable. C'est un chauffeur de taxi qui a donné son corps en quelque sorte à la science. Une équipe de chercheurs voulait faire une momie comme les momies de la 18e dynastie, comme Toutankhamon. Ils cherchaient un corps de quelqu'un qui était en phase terminale et ils ont refait une momie à partir de son corps. Alors au-delà de l'anecdote de la momie, du corps, en fait c'est la première fois qu'on faisait des momies depuis l'Égypte antique. Ça permet de parler en fait des recherches sur la momification en elle-même, sur l'embaumement. Et au-delà, ça nous appelle à réfléchir sur la façon dont les corps peuvent servir pour la science. Alors nous, c'est vrai qu'en France, on a plutôt l'habitude de faire des dons de corps pour les sciences médicales. Or, on peut s'apercevoir qu'en archéologie, ça pourrait également nous servir, comme on le voit dans les fermes des corps aux États-Unis ou en Australie ou ailleurs. Et notre taxi anglais se faisait appeler d'ailleurs Touton Alan, c'est bien ça, je crois, comme Toutankhamon, bien sûr. Ce genre de pratique, c'est tout à fait inattendu. On n'embaume plus à l'heure actuelle. On n'embaume plus comme on embaumait durant l'Antiquité ou même durant le Moyen-Âge. On embaume dans le sens où, avec la thanatopraxie, donc il y a une partie de l'exposition dans laquelle on se trouve qui relate ces faits-là, on embaume les gens avec des produits chimiques. Donc on embaume encore, mais plus comme avant. Et c'est tout là l'intérêt, c'est de voir comment, au cours du temps, le désir de conserver son corps est toujours présent, mais les techniques diffèrent. Alors on peut se demander pourquoi embaumer ? Bien sûr pour se faire conserver, mais pourquoi embaumer quand même ? Alors là, si vous voulez répondre à cette question en quelques minutes, ça va être compliqué parce que on s'aperçoit qu'on embaume et qu'on a embaumé durant toute l'histoire de l'humanité quasiment, et en tout cas sur tous les continents. Donc ça va évidemment dépendre de la période et des sociétés. Alors au-delà des cas un peu particuliers, d'une manière générale, ça appelle en fait une certaine survie du corps après la mort. Donc on est là dans l'histoire des religions. Et puis après, il y a des fins très pragmatiques, ou même politiques. Mais bon, c'est des contextes où la politique rejoint un peu des religions d'État, où des hommes actuels arrivent encore à se faire embaumer. Et on parle souvent là des momies des pays communistes. On va avoir ce type de pratique encore de façon très récente. Mao, Lénine, bien entendu. Les plus vieilles momies au monde sont bien sûr américaines ? Elles sont américaines. Alors, il va falloir qu'on discute du terme momie. C'est-à-dire qu'évidemment, on va parler des momies du Chili, donc des corps qui ont été préparés bien avant que les Égyptiens embaument. Mais est-ce que ce sont vraiment des momies ? En tout cas, ce sont des corps préparés de telle sorte qu'on annihile la phase de putréfaction, qui sont dépecés, et des corps qui sont recomposés. En tout cas, voilà, il y a une réflexion sur la décomposition du corps après la mort. Et il faut avoir en tête, que ce soit pour la momification, l'embaumement ou toutes les autres pratiques, la crémation ou l'inhumation, toutes les pratiques funéraires, en fait, elles sont reliées, elles ont un dénominateur commun, c'est la gestion du corps après la mort et surtout la gestion de cette phase délicate qui est la putréfaction du corps. La momie permet de faire un cadavre qu'on peut voir et qu'on peut sentir, ce qui n'est évidemment pas le cas du cadavre tel qu'on l'entend habituellement. En Amérique du Sud, au Chili, chez les Chinchorro dont vous me parliez, c'est plutôt de l'empaillage. De façon un peu triviale, on peut dire que c'est de l'empaillage, chez les chinchouros. En tout cas, c'est maintenant, on dirait plutôt de la taxidermie. Mais effectivement, c'est pas la conservation des parties putrescibles comme on pourrait le faire pour l'embaumement égyptien ou pour l'embaumement d'autres sociétés, des fois même plus récentes que celle-ci. Donc, de l'empaillage, si on peut dire, mais un peu plus sophistiqué quand même. En tout cas, c'est Saint-Louis qui s'est fait empailler, lui. Saint-Louis s'est pas fait empailler, mais le rapport qu'on peut faire avec chinchouros, c'est que son corps, en fait, a été bouilli. C'est-à-dire que, à la manière des chinchouros, on a enlevé de façon très active toutes les parties putrescibles, les anthropologues disent les parties molles, pour ne laisser que l'os, à la différence des chinchouros qui ont recomposé le corps, redonné une forme humaine en faisant un modelage. Pour Saint-Louis, a priori, les os ont été recoupés et mis dans une boîte. On a très très peu de cas archéologiques, il y en a peut-être un que j'ai trouvé, mais j'attends confirmation. Le vrai problème, c'est donc les viscères, et ça, il faut absolument les éliminer systématiquement. Alors il faut effectivement les retirer puisque c'est par là que la putréfaction va commencer. C'est l'endroit, c'est la raison pour laquelle les embaumements les plus aboutis, qui ne sont pas forcément les embaumements égyptiens, de toute façon passent tous par une phase d'éviscération. Alors quand on dit éviscération, c'est les viscères. Au Moyen-Âge, il parlait des viscères des trois ventres, le cerveau, le thorax et l'abdomen. En gros, tout ce qui est pourri en premier en fait. Et là justement, nous sommes devant quelques très jolis objets. Moi, elle me plaît cette vitrine sur les objets de l'embaumement parce que souvent les gens voient les momies comme un produit fini, alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui est avant. Comment on va faire une momie et pouvoir parler des techniques en passant par les objets nous amène une réflexion sur les gestes qui sont portés sur le corps avant, alors après la mort, mais avant qu'il ne devienne une momie à complètement parler. Donc longtemps, ça a été un peu des objets et encore, on voit dans certains musées presque des objets d'art. On voit la momie, le bel objet. Alors ce qui va intéresser les archéologues, et en tout cas moi ce qui m'intéresse, c'est la façon dont les sociétés auparavant ont fabriqué des momies et de quelle façon ils s'y sont pris. Là c'est des crochets donc pour la cervelle en Égypte. Voilà, c'est ça. Alors là c'est un facsimilé. On a l'embaumement égyptien qui est symbolisé par quelques objets comme le cuiron nasal, etc. En fait, ça permet de montrer, souvent vous aurez un peu les images d'Épinal sur l'Égypte avec les propos d'Hérodote en une phrase. Il nous parle de la pierre d'obsidienne, alors que c'est un embaumement évidemment qui est beaucoup plus complexe que ça. Et en une vitrine, on s'aperçoit de la complexité technique qu'il y avait à faire un embaumement qui était maîtrisé évidemment par les Égyptiens, mais comme l'Expo le montre, pas seulement, et y compris plus près de nous lors du Moyen-Âge occidental. La momie, c'est avant tout, bien sûr, ce que l'on voit, c'est aussi ce que l'on sent. L'odeur, c'est capital. Alors, c'est un tout, évidemment. Ouais, c'est capital parce que c'est déjà le cadavre qui ne sent pas mauvais. C'est le cadavre qu'on peut voir, c'est presque le cadavre qu'on peut toucher, en tout cas tous les sens. Et c'est assez intéressant parce qu'en archéologie, le sens de l'odorat est très très peu enregistré. Mais de plus en plus, on s'aperçoit que lors de fouilles, moi ça m'arrive parfois, de noter sur les fiches d'enregistrement, comme on note la couleur, la texture du sédiment, on commence à parler des odeurs. Et quand on ouvre des tombes où on suspecte des embaumements, évidemment l'odeur est quelque chose de primordial pour comprendre à quoi on a affaire. C'est-à-dire qu'en Égypte, quand vous soulevez un sarcophage, vous avez une odeur qui vous vient à la narine. Ça m'est arrivé dans d'autres contextes. Par exemple, quand j'ai ouvert l'armoire des cœurs de Condé, des princes de Condé, donc des princes qui sont morts au XIXe siècle et dont l'armoire se trouve au château de Chantilly. Là, effectivement, si avant je m'étais un peu moqué de mes prédécesseurs qui décrivaient des odeurs suaves, je ne savais pas si on était dans le fantasme ou dans la réalité. Et là, moi, j'ai évidemment senti toutes ces odeurs de produits qui ont servi à l'embaumement des cœurs. En Égypte, j'ai pas ces odeurs-là. J'ai des odeurs de sédiments, j'ai des odeurs de terre cuite en fonction du mobilier qui est associé. Mais par contre, on a la résine et j'ai mon collègue qui m'a fait une démonstration, en fait, qui a inventé la machine à remonter le temps, puisque en prenant un tout petit morceau de résine et en le faisant brûler quelques secondes, j'ai tout de suite senti l'odeur de la résine telle qu'elle avait été mise dans le crâne à ce moment-là. Donc l'odeur joue beaucoup, alors c'est pas capital, mais ça nous permet d'appréhender la momie du côté technique et de la façon dont on l'a faite. Et vous présentez des odeurs dans cette exposition ? On a un certain nombre d'odeurs. Alors on commence par l'origine, c'est-à-dire l'odeur du cadavre, la putrescine. On travaille avec une société qui recompose des odeurs sur des bases scientifiques. Et puis il y a au fil des pièces et au fil des ateliers différentes odeurs qui sont liées aux momies, les odeurs des momies égyptiennes, mais aussi des odeurs de momies occidentales ou de momies sud-américaines. Ce que l'on ne peut pas protéger, ce que l'on ne peut pas conserver, c'est l'âme, bien sûr. Et l'âme, on a essayé de la percevoir au travers de ces momies. Ah oui, bon alors ça c'est la fameuse expérience, mais je me souviens d'ailleurs, ça avait été le titre d'un film au cinéma, 21 grammes. Voilà, on a pensé à un moment que on pouvait peser son âme. Donc il y avait eu des expériences et on imaginait que l'âme pesait 21 grammes. On sait que maintenant que les conditions d'expérience étaient complètement mauvaises, mais il y a toujours cette idée de savoir ce qui reste après le corps et après la mort, évidemment. Hein. Vous présentez bien sûr l'Égypte, vous présentez l'Amérique, vous présentez bien sûr plein de sujets, des momies artificielles et des momies naturelles. En Égypte, bien sûr, le cœur joue un rôle capital et on va le peser lui aussi, voire l'éliminer. Alors, le cœur et les viscères, hein, donc si vous voulez faire réussir une bonne momie, et après, évidemment, dans le rituel égyptien, mais à la limite, on peut aussi l'évoquer pour le Moyen-Âge occidental, le cœur est quand même la partie la plus valorisée du corps humain, et par exemple, pour le Moyen-Âge occidental, on faisait des tombes de cœur. D'ailleurs, l'INRAP, l'institut auquel j'appartiens, se fait régulièrement l'écho de découvertes, ici ou là, pour le Moyen-Âge, de cœurs qui sont embaumés. On parle de cardiotaphes, des petits réceptacles dans lesquels on a des cœurs embaumés. Donc le cœur, mais l'ensemble des viscères est important. Ils sont absolument indispensables de les retirer, d'éviscérer les corps si on veut réussir une bonne momification. Alors vous parlez de l'Égypte. Moi, ce qui m'intéresse dans cette exposition-là, c'est qu'on ne parle pas que de l'Égypte. Là, c'est de montrer qu'il y a évidemment plein de sociétés qui embaumaient, qui faisaient des momies, que les momies, ce n'est pas forcément artificiel, mais qu'il y a aussi tout un contexte naturel qui rentre en jeu, et que même quand c'est artificiel, il faut qu'il y ait une part naturelle. C'est-à-dire qu'une momie égyptienne, si vous la faites en France, elle ne passera pas les siècles comme une momie en Égypte. Pourquoi ? À cause des conditions environnementales. C'est-à-dire qu'il faut des conditions environnementales particulières. Alors évidemment, pour l'Égypte, c'est la chaleur et un degré d'humidité très faible. Et il faut que ces conditions soient stables. C'est-à-dire que si vous ramenez une momie d'un contexte égyptien et que vous ne prenez pas toutes les mesures, évidemment, cette momie va continuer à se dégrader et va revenir à l'état d'os. C'est la raison pour laquelle, dans les musées, toutes ces momies-là sont en conditions hygrométriques contrôlées. Et d'ailleurs, même en Égypte, on a des momies qui sont complètement dégradées et qui sont à l'état d'os. C'est-à-dire que là où les gens voient des squelettes, nous, archéo-anthropologues, on voit des momies. Alors bien sûr, on ne voit et on ne parle systématiquement que de momies très bien conservées. Or, vous dites, ces momies-là, ce sont des exceptions, même en Égypte ? Si j'étais un peu provocateur, je dirais presque que ce sont des exceptions. Parce que moi, j'ai envie d'insister sur tous ces contextes funéraires où les gens ne voient que des tas d'os. Et c'est ce qui s'est passé quand on a commencé à fouiller la nécropolis d'Alexandrie, où on s'est aperçu que là où les gens voyaient des tas d'os, en fait, nous, archéo-anthropologues, avec la démarche qu'on a sur le positionnement des ossements à l'intérieur de la tombe et les uns par rapport aux autres, on arrivait à déterminer qu'on avait affaire à des momies. Et en plus, on se servait évidemment de tout petits indices ténus, comme des plaques de langue, des petits fragments d'or. C'est quoi cette nécropole d'Alexandrie ? Alors la nécropole d'Alexandrie, son nom officiel, c'est la nécropole du site du pont de Gabarit, qui est une partie de la fameuse nécropolis d'Alexandrie, qui était dans l'Antiquité la nécropole. C'est-à-dire que quand vous parliez de la nécropole, vous n'aviez qu'une nécropole, c'était celle du quartier ouest d'Alexandrie, qui a été fouillée entre 1998 et 2002 par le Centre d'études alexandrines, qui à l'époque était dirigé par Jean-Yves Empereur, et qui nous a permis, nous, archéo-anthropologues, d'intervenir sur des contextes assez incroyables. Puis vous avez une quarantaine d'hypogées, et vous avez dans ces hypogées des loculi qui sont autant de tombes avec des dizaines et des dizaines de corps. Et donc c'est là qu'on voit que même l'éternité a une fin, puisque les momies qu'on y trouvait, au bout d'un moment, elles sortent quand même des loculi, elles se retrouvent dans les ossuaires. Alors, qu'est-ce que peut faire un anthropologue sur des momies complètement pourries ? Alors, ce que vous appelez des momies pourries de façon assez provocatrice, sont pour nous des terrains de recherche absolument incroyables, puisque quand vous avez une momie bien conservée, vous êtes obligé de passer par l'imagerie, et le fait qu'elle soit bien conservée, et généralement dans des musées, nous empêche de les démailloter comme on faisait au 19e. Là, vous avez en quelque sorte le démaillotage qui a été fait par la nature bien avant nous. Ça nous permet d'accéder aux os. Ça nous permet de voir les traces qui restent sur les os et donc d'aborder la question des techniques et de la préparation des corps en ayant accès au squelette de façon assez évidente et assez simple. Vous retrouvez les marques des outils, par exemple, dessus ? Alors, on trouve, évidemment, en ce qui concerne le crâne, on trouve le passage pour excérébrer, donc pour enlever le cerveau. Et après, à certains endroits, pour l'Égypte, à vrai dire, hormis ce qui se passe au niveau du crâne, comme la résine et choses comme ça, on ne trouve pas d'autres marques. Mais si on va, par exemple, sur d'autres types d'embaumements, comme l'embaumement occidental au Moyen-Âge, on trouve évidemment des traces ailleurs sur le squelette, sur le squelette infracrânien, donc tout le squelette sauf le crâne, mais aussi sur le crâne, des traces qui sont liées à l'éviscération, et souvent à la mise en place de produits sur les parties les plus charnues. On fait comment durant le Moyen-Âge en France ? Alors, durant le Moyen-Âge, donc souvent dans la deuxième partie du Moyen-Âge, donc on éviscère les trois ventres, le cerveau, le thorax et l'abdomen. Et pour le cerveau, on s'aperçoit qu'on scie le crâne sur tout son pourtour, ce qui est une information assez intéressante puisque ça montre la volonté de prendre le cerveau dans sa globalité ou presque. Et pour le cœur et les abdomens, alors pour le cœur, il y a différentes façons de faire. Il y en a une qui est assez intéressante parce qu'elle a été montrée assez récemment et elle n'apparaît pas du tout dans les textes. On sciait le sternum, ce qui permettait d'avoir une ouverture de la cage thoracique qui permettait de recomposer le corps. Il faut toujours garder à l'esprit qu'on prépare un corps pour le montrer aux autres le temps des funérailles. Oui, le but, c'est de le conserver un mois, pas plus. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer l'embaumement occidental à l'embaumement égyptien, même si longtemps les historiens ont jugé l'embaumement occidental à l'aune des momies qu'on retrouvait en Égypte. Alors on avait tendance à dire que l'embaumement au Moyen-Âge, on ne savait pas embaumer. On savait très bien embaumer. Les conditions environnementales ne permettaient pas d'avoir des momies, en l'occurrence. Et de toute façon, ce n'était pas le but recherché. Le but, c'était de retarder la putréfaction. Donc du coup, comme on montre la fameuse gravure de la momie d'Henri IV, trouver des momies pour le Moyen-Âge, c'est accidentel, si vous voulez. C'est que les conditions environnementales ont permis de conserver les momies, mais c'est sans doute évidemment pas ce qui était recherché au moment où ils ont embaumé. Votre exposition, c'est bien sûr la relation du corps avec la mort. J'aimerais qu'on parle des expérimentations. Il y a à apprendre de ça ? Alors nous, évidemment, on est. Je dis nous, c'est vrai, je suis pas l'ambassadeur de tous les archéoanthropologues, mais c'est vrai qu'on travaille dans un domaine de la mort et de la putréfaction. Et évidemment, quand on voit ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, c'est absolument intéressant et voire primordial de pouvoir mener des expériences. Alors, ça peut choquer justement en termes éthiques, mais quand on voit les anglo-saxons, on arrive à avoir des collègues qui allaient dans des endroits qu'on appelle des fermes des corps, hein, des gens qui ont donné leur corps à la science, et ils arrivaient à faire des expérimentations à but archéologique, qui restent des buts scientifiques tout à fait respectables. Et du coup, les gens qui avaient donné leur corps à la science ont contribué à l'avancée de problématiques archéologiques. C'est-à-dire, comment ça se passe ? Il y a des réflexions en ce moment sur le néolithique, le mésolithique. Est-ce qu'on n'a pas des corps au Portugal, par exemple, qui seraient momifiés parce qu'on ne sait pas s'il y a une action anthropique dessus ? Et on s'aperçoit que, selon certaines positions, ça peut être lié à une momification naturelle. Et puis, il y a aussi ce qui nous arrive d'Amérique, à savoir le réenfouissement donc, des squelettes découverts dans les nécropoles en France et un peu ailleurs, où la tendance, on ne parle bien sûr que d'une tendance, est de réinhumer ces gens, même si on ne connaît pas leur religion. Alors là, c'est un domaine qui est un peu particulier, mais effectivement, moi, je trouve que c'est dramatique en ce qui concerne les études pour les générations à venir, puisque nous, quand on fait de l'archéologie, on arrive à étudier les choses à l'instant T. Hein. Dans notre institut, on dit qu'on sauvegarde par l'étude, mais l'idée, c'est de sauvegarder par l'étude, mais aussi de sauvegarder pour les générations futures qui puissent faire des analyses que nous, on ne sait pas faire actuellement. On va peut-être un petit peu avancer dans l'exposition. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Patrice Georges, vous présentez aussi des sortes de momies en paquet. Alors ça, c'est l'Amérique du Sud, ou alors c'est une autre façon de conserver les corps, dont on s'aperçoit grâce à l'imagerie médicale, puisque l'avantage de cette exposition là, qui a été montée par Fabien Latti, c'est qu'on a un gros apport de l'imagerie 3D, grâce à Emma Solutions, qui est une société toulousaine, qui a une expérience assez inégalée en termes d'imagerie médicale, et en particulier sur les momies, et on s'aperçoit qu'on a des corps qui sont effectivement retournés à l'envers, et qui sont empaquetés. Donc moi, c'est des domaines que je connais moins bien, mais vous avez vu l'exposition, hein, elle s'appuie sur un panel d'experts où chaque partie d'exposition a bénéficié de l'appui d'un expert dans le domaine. Alors pourquoi ces squelettes sont-ils à l'envers ? Ces momies sont-elles à l'envers ? Alors, d'après les spécialistes, ces momies seraient à l'envers parce que on aurait dans la mythologie de l'époque l'idée que elles pourraient réensemencer la terre en quelque sorte comme des graines et qu'elles pourraient pousser. Donc c'est la raison pour laquelle on trouve ces momies à l'envers et à l'inverse du paquet tel qu'on le voit en fait. Oui, comme une sorte de haricot. Vous avez aussi beaucoup d'animaux empaillés, des musaraignes, je ne connaissais pas ça, des poissons, quelquefois un varan, avec quelquefois des curiosités révélées par la radio. Alors, pour le varan, c'est une pièce tout à fait exceptionnelle, puisque a priori, ça serait le seul exemplaire de varan momifié pour l'Égypte antique. Évidemment, si vous faites référence aux momies animales de l'Égypte, on sait qu'on a momifié du plus petit animal au plus gros. L'imagerie médicale, souvent, amène en fait En fait, des images qui sont complètement différentes, que ce soit pour les corps humains où on peut trouver les restes de plusieurs individus, pour les chats on peut retrouver aussi des compositions qui sont anormales, et puis si vous êtes plus proche de nous, vous avez aussi toutes les façons modernes d'embaumer, en mettant dans la résine, en mettant dans des bocaux, etc. On retrouve toutes sortes d'animaux qui ont rempli les étagères de nombre d'universités pour que les étudiants apprennent en fait l'anatomie à partir de ces pièces-là. Et pour vous, ce sont des momies? L'idée là, c'était de montrer que la conservation des corps, elle fait œuvre pour les humains et pour les animaux. C'est une œuvre culturelle, c'est un geste culturel fort, mais qu'en même temps, on a aussi des gestes techniques qui ont évolué au cours du temps, et aussi des conditions naturelles, et les tout réunis arrivent à faire, sinon des momies, au moins des corps préservés, puisque c'est le sous-titre de l'exposition, hein. C'est momies, mais corps préservés, corps éternel. En tout cas, on a bien sûr parlé de la momification artificielle. Reste bien sûr la momification naturelle. Et là aussi, elle est très variée. Alors là aussi, elle est très variée. Et en plus, on doit faire attention au terme. Donc, c'est jamais aussi simple qu'on l'imagine. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des momies d'origine anthropique, des corps qui ont été volontairement placés dans des milieux naturels qui favorisaient la momification. Donc vous avez déjà ce distinguo-là, et évidemment, vous avez un certain nombre de milieux, tels qu'on a parlé des déserts, hein, c'est souvent ce qui vient à l'esprit, mais dans des environnements très froids, hein, comme en montagne, vous avez aussi des momies, on parle des tourbières évidemment, tout ce type d'environnement. C'est-à-dire que ce sont des environnements qui vont avoir des conditions particulières qui vont empêcher la dégradation du corps, qui est normalement le devenir logique d'un cadavre. Dans ces conditions-là, la nature ne fait pas son œuvre et bloque la phase de putréfaction. Patrice Georges, est-ce que l'on a des momies en France, des momies naturelles? On va en retrouver, c'est sûr. Il y en a eu. On a la fameuse main verte qui faisait l'objet, en fait, qui avait une place de choix dans un cabinet de curiosité. Je crois même celui du roi, hein, qui était une momie sans doute liée à une tombe romaine qui a été trouvée à la période moderne. On la voit puisqu'on a une main verte dans laquelle on a une pièce de monnaie. C'est l'alliage cuivreux qui a favorisé la conservation. Donc, dans la mesure où les conditions environnementales permettent de faire des momies, on avait même des momies à Toulouse, hein, puisque on était dans un environnement qui était favorable à la non-décomposition des corps. Donc oui, on a des momies en France, et puis on a embaumé en France. Donc ça, c'est un peu différent. Mais on a à la fois embaumé, et on trouve des momies, et on en trouvera, j'en suis sûr, avec mon institut, peut-être dans pas si longtemps. À Toulouse, elles étaient conservées où? Elles étaient conservées comment? Je sais qu'aussi à Bordeaux, on a trouvé, donc il y a une crypte où il y a toute une famille qui serait enterrée, mort visiblement de la conservation de champignons. Alors ça, je suis pas au courant. Mais alors après, souvent, on a le fantasme de morts qui sont un peu extraordinaires. Parce que, si vous voulez, il faut imaginer que quand les gens découvrent ces momies-là, c'est pas naturel. La chose naturelle, c'est un corps qui se décompose et qui arrive à l'état d'ossement. Donc, on génère énormément de fantasmes dès lors qu'on voit des corps qui sont momifiés. Et même, les gens ont tellement peu l'habitude de voir des momies que lorsqu'on trouve des momies complètement archéologiques, que ça soit au-dessus ou que ça soit dans les tourbières, la première hypothèse qui vient aux gens, c'est pour eux, c'est pas possible que ce soit des corps qui aient traversé les millénaires. Ils imaginent qu'on a affaire à des morts récentes, des crimes, voire des crimes, alors qu'en fait, on est sur des cas archéologiques. Donc, le cas dont vous parlez, je peux pas vous répondre, mais je sais que, par exemple, pour à Toulouse, le couvent des Jacobins était une crypte qui, a priori, alors, je me demande s'il y avait pas aussi une inhumation préalable et qu'il y avait tout un mécanisme pour arriver à la momification. En tout cas, il y a encore plus incroyable, l'auto-momification. Oui, alors là, on fait appel à des sociétés que moi, je maîtrise très mal, mais effectivement, dans le bouddhisme, il y a une façon de s'auto-momifier. Alors, pareil, il y a une volonté très forte de le faire, mais en même temps, c'est accompagné de certains produits et de certains gestes qui font que l'organisme ralentit et à la mort, le corps ne se décompose pas du fait d'avoir ingéré un certain nombre de produits qui favorisent la conservation des corps. Il faut, dans ces cas-là, parler aussi de l'odeur de sainteté. Alors l'odeur, je vous dis, c'est primordial parce que c'est par là que tout commence. C'est-à-dire que si un corps se décompose, évidemment, c'est un signal qui va être... C'est important l'odeur, hein, c'est le signal de la mort pour toutes les espèces qui vont coloniser ce corps et qui vont en fait se reproduire, qui vont se servir du corps pour pouvoir se reproduire. Donc c'est un signal dans la nature qui est important. Nous, on le bloque, hein, parce que pour nous, le signal de décomposition, et vous verrez à l'entrée de l'exposition, ils ont refait cette odeur de putrescine, hein, qui est une odeur indescriptible, hein, qui est comparable à nul autre pareil. Et nous, instinctivement, hein, il n'y a personne que je connaisse qui puisse accepter cette odeur. Donc nous, quand on fait des momies, hein, évidemment, nous, les sociétés humaines à travers le temps, ont toujours eu, à mon avis, à l'idée de casser cette odeur de putréfaction et le font de telle sorte qu'on dégage une odeur. Donc l'odeur de sainteté, elle était autant liée à la mythologie chrétienne des aromates qu'un choix très pragmatique de plantes et de produits qu'on mettait dans le corps pour éviter qu'ils se décomposent. Vous avez surtout travaillé sur Louis XI, mais toute une série de rois aussi sur ce sujet-là. Alors, dans les textes et sur le papier, sur toute une série de rois, mais par contre, le seul que j'ai eu entre les mains, en tout cas une partie de ses os, c'est Louis XI, qui a été donc embaumé à la façon médiévale, c'est-à-dire que ses viscères étaient enlevés, hein, en sciant le cerveau, en découpant parfois son thorax ou en passant par l'abdomen, et en mettant des aromates un peu partout sur les parties les plus chargées de son corps. Et vous me dites qu'en France, on pourrait très bien trouver dans des fouilles des momies, des momies donc réelles françaises. Alors, on en a déjà trouvé. En définitive, Louise de Quinguot était ni plus ni moins qu'un corps embaumé qui avait traversé les siècles du fait d'un sarcophage en plomb et d'un traitement lié à l'embaumement. Donc oui, on en trouve. Alors, pas forcément dans des conditions de conservation qui sont comparables à celles de l'Égypte, mais on a des corps embaumés qu'on trouve. Oui. Et puis des momies, je vous dis, puisque des conditions accidentelles de découverte font qu'on peut retrouver des corps assez bien conservés. Oui. Patrice Georges, on a parlé de beaucoup de choses, même de l'odeur de sainteté. Il nous restait donc à parler de la voix de la momie. Oui, alors ça c'est assez extraordinaire puisque l'exposition montre en fait que des chercheurs ont réussi en scannant le larynx et en le couplant à un système électronique, ont réussi à recréer en fait la voix d'un prêtre de Karnak qui est mort il y a plus de 3000 ans. Donc quand on parle des momies comme un voyage dans le temps, hein, c'est la meilleure machine à remonter le temps, mais là ça dépasse presque nos rêves les plus fous puisqu'on a réussi à refaire, synthétiser la voix d'un prêtre, de quelqu'un qui est mort il y a plusieurs milliers d'années, et il s'avère qu'on a la possibilité de l'entendre. Pensez vraiment que c'est sa voix ? Je ne peux pas vous dire. Bon, en tout cas, je trouvais ça l'idée intéressante, puisque moi, je suis toujours dans l'idée d'essayer de comprendre. Alors là, c'est anecdotique, mais c'est pour vous montrer que l'imagerie et peut-être les sciences à venir, hein, puisqu'on finit l'exposition là-dessus, sur les nouvelles momies. Est-ce que le clonage sur les nouvelles momies ? Et puis, on fait des petits clins d'œil aussi à la pop culture, avec Yann Solo qui est cryogénisé. Donc voilà, on a des choses comme ça qui nous permettent de réfléchir sur le devenir du corps après la mort. À voir donc la belle exposition « Momie, corps préservé, corps éternel » qui se tient actuellement au musée de Toulouse. Carbone 14 a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Marie Lepeintre et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.